La tourne silence. Goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle année de cinéma. On va s'en mettre plein les yeux encore cette année avec de grands films qui nous attendent. Toiles et Sillons, comme toujours, c'est sur internet également, sur toilesetsillons.fr. Pour écouter l'émission en direct, la télécharger ou vous abonner au podcast. Et puis la page Facebook Toiles et Sillons pour tout savoir des films dont on écoute la musique ou les chansons. On commence d'ailleurs comme d'habitude en chanson. Je vous amène en 1988 avec un film de Barry Levinson avec Dustin Hoffman et Tom Cruise. Il y avait aussi Valeria Golino dans ce Rain Man. Et la chanson du film, c'était le groupe Les Belles Stars avec Aiko Aiko. Les Belles Stars avec Aiko Aiko dans Toiles et Sillons, extrait de la bande originale du film Rain Man. On va entrer dans le vif du sujet avec une première bande-annonce et une première musique de film. Il s'agit de l'événement de la fin d'année 2015 et du début 2016, le nouveau Star Wars, bien sûr, le réveil de la force, réalisé cette fois-ci par J.J. Abrams. où l'on retrouve les acteurs de la première saga, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, mais aussi Désiré de Lay, John Boyega et Adam Driver. On va écouter la bande annonce du film et la musique du Réveil de la Force, qui est bien sûr signée John Williams. La force est puissante dans la famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison. Thank you. En 2000, Julia Roberts, sous la direction de Steven Soderbergh, incarnait Erin Brockovich. Elle a même obtenu un Oscar pour ce rôle. Erin Brockovich, seule contre tous. On vient d'écouter un extrait de la bande originale. La musique était signée du groupe Ensemble. On va maintenant s'intéresser à un film qui est sorti au mois de décembre dernier, un film qui est sorti assez discrètement au milieu de toute la folie de Star Wars, James Bond, etc. Il s'agit de La vie très privée de Monsieur Sim, un film de Michel Leclerc avec notamment Jean-Pierre Bacri et Mathieu Amalric. On va écouter la bande-annonce du film et puis on écoutera après un extrait de la très jolie musique signée de Vincent Delerme. Sim, François Sim. Trouve la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois. Ah oui ? Ouais. Gabriel m'a dit que t'étais un excellent vendeur. Et voilà la merveille. Tête détachable. Tu veux essayer ? Ouais. Oh là, Quatre vendeurs partent aux quatre coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première sortie. Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. Je t'ai appelé Emmanuel. La brosse en poil de sanglier. Et alors, je vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents? Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est mon école. C'est là que j'ai connu Oudia. Oh, tu l'aurais vu à 18 ans. Oh. Tu te souviens ces vacances? Ça te plairait que je te fonde brosse à dents? Vous faites quoi dans la boîte? On m'occupe de la vente. Continuez, 5 km. Vous êtes colporteur, quoi. Colporteur, vous parlez de musicien? Pardon? Ne me dites pas que vous connaissez pas colporteur. Calcul en cours. Calcul en cours et ferme-la, connasse. Vous avez connu la solitude, vous? La vraie? Non. Pas spécialement. C'est ça que j'aime bien chez toi. Tu me juges pas. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort. Pas du tout. On était en pleine discussion. Il n'est pas très bien. Monsieur. Vous croyez que c'est en rapport avec ce que je racontais? Oui, ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Et oui, mais ça vient pas de nulle part, pour expression. Oui. Oui. Thank you. En 1966, Claude Bernard Robert réalisait Le Facteur s'en va en guerre avec Charles Aznavour, Daniel Secaldi. On vient d'entendre un extrait de la musique de ce film, la musique qui était signée de Georges Garvarentz, compositeur complice de Charles Aznavour. On va maintenant aller dans les années 60 toujours, mais en 1960, film réalisé par Frank Tashlin avec Jerry Lewis, adaptation assez personnelle du mythe de Cendrillon, Cinderfella, Cendrillon au grand pied avec Jerry Lewis. Je vous propose d'écouter la valse de la princesse, où on va entendre la fameuse princesse, mais aussi Jerry Lewis. C'est quasiment un extrait du film, mais c'est extrait de la BO, BO signée Jerry Lewis. Now once upon a time, my heart began to chime, and I could tell love rang the bell that once upon a time. You sing very lovely. Should get with a band. What magic made it so? That's pretty. I had no plan. It just began about one kiss ago. I have to agree with you, really. Now I'm in heaven. If I'm not in heaven, then tell me where else I could be. I found a princess, she must be a princess to rule in this kingdom with me. The chance may come to you. I hope so. They danced and danced all evening long. As a matter of fact, they were still dancing when the big clock started to strike midnight. Heavens, it's 12 midnight. Yes, the witching hour. I gotta move fast, princess. But it's still early. It's later than you think, princess. Goodbye. Please, fairy godfather, don't change me back to me yet. Until I'm back home. Oh, the clothes are changing. The car's turning into a bicycle, the chauffeur into a fish. Oh, please, fairy godfather, maybe your watch was fast. Oh, joy, I made it. Back to plain old me again. Whew, that was close. Hello, fella. You almost didn't make it. Oh, hello, fairy godfather. I'm sorry I didn't leave sooner, but I was having such a wonderful time. I know. You and the princess got along very well. Thank you for giving me this one night with the pretty princess. I'll be ever grateful, and if I can ever do anything for you, like haunting a house or even looking for empty bottles. You talk as if this were the end of the story. Now you go in and go to bed. But before you go to sleep, get a book and brush up on your fairy tales. Run along now. Well, excuse me, fairy godfather, sir, but I have something to confess. And, well... What's that, fella? Well, I was in such a hurry to get home before midnight that I lost one of my shoes, sir. One of my shoes. Of course you did. You were supposed to. Don't worry about it. It'll turn up. I'd be glad to pay you. I mean, whatever it costs. Good night, fella. Good night, Mr. Fairy Father Godfather. It's the morning after the beautiful ball. And what a morning it is. The birds singing, the sun shining, and fella still happy about the lovely princess he danced with the night before. I'm part of a family, yes I be, lucky, lucky, lucky me. I dance all day and half the night, the princess thinks I'm all right. Tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-dee. I wonder who that can be. Tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-dee. Fella, answer the door. Yeah, answer the door, nuthead. Okay, okay, dear step family, I'm going. The princess? May I come in? Oh, please do, Your Highness. By all means, Your Highness. Yes, ma'am, Your Honor. Sire, Lordship, please come in, ma'am. Bella, wait in the kitchen. Her Highness may want some tea prepared. No, please. I came to find the owner of this shoe and to thank him for a wonderful evening. Well, I thank you, Your Highness. Princess, it's my shoe. You see, I was in such a rush because my fairy godfather said 12 midnight sharp or I turned back to whatever. Oh, I don't feel so good now. I feel... Fella, what are you talking about? Yeah, nuthead. Fella, do you suppose you could find the other shoe and take me dancing again tonight? Of course, Princess dear. All I have to do is believe and have a song in my heart and turn it on. You're sweet. Will you marry me? Of course. I'm supposed to. And we'll live happily ever after? A lot? Naturally. Wow. One more chorus. Tu sais où elle est, Kelly? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Faut pas vous inquiéter. C'est qui, ça? Bah, c'est son copain. C'était dans la chambre de ma fille. Je te dis, c'est ton fils qui les lui a donné. Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, toi, c'est bon. Bien sûr que je vais la chercher. C'est une gamine. Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? Tu la kidnappes? Parce que c'est moi le kidnappeur, maintenant. Tu vois, ta sœur, elle est très intelligente. Alors, elle croit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais ça marche pas comme ça. T'accompagne ton père partout. Il a raison de continuer à la chercher. C'est toi le Français qui cherche sa fille? J'ai entendu parler de gens à Sedan, des passeurs. C'est elle. C'est Kelly. Ah, Fia Khalid. C'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant. T'as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Et ça t'a servi à quoi? Il y a du nouveau, faut y aller. Tu viens, Yann? Non. On a des affaires là, tu gars! Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard! There's a war going on. So what side are you on? I'm on no one's side. I'm just looking for my sister. It's always good to meet somebody who knows what they're looking for. Petit voyage dans le temps avec tout d'abord Double Back, morceau extrait de la bande originale de Retour vers le futur 3. La musique était signée Alan Silvestri et à l'instant, bande-annonce et musique d'un film de Raphaël Bidguin sorti au mois de novembre dernier, Les Cowboys avec François Damiens. La musique était signée du chanteur Raphaël. Un film qui va sortir dans quelques semaines, réalisé par Todd Haynes, spécialiste du drame à version un petit peu moderne. Un film avec Cate Blanchett et Rooney Mara, Carole, qui sortira ce mois-ci. On va retrouver la bande-annonce du film et puis un extrait de la musique signé Carter Burwell. Et puis juste après, on retrouvera Philippe Sard. Dearest, there are no accidents. Everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day. You're always the most beautiful woman in the room. Thérèse Balivant. Carol. Tell me you know what you're doing. I never did. And then it changed. She's still my wife. I love her. I can't shouldn't be like this. I know. If he can't have me, I can't see my daughter. Well, that's that. Everything comes full circle. And when it happens, I want you to imagine me there to greet you. I miss you. I will not negotiate anymore. I want it. And I will not deny it. Would you? Thank you. Ils sont fous, ces sorciers, un film de Georges Lautner avec Jean Lefebvre et Henri Guibert. Entre autres, on vient d'entendre un extrait de la musique qui était signé Philippe Sard. Nous allons arriver tout doucement à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui elle-même écoute le cinéma. On n'écoute jamais assez le cinéma, les musiques de films, les chansons de films, tous ces beaux morceaux qui nous emmènent loin et qui nous font rêver. Et on continuera cette année à les écouter. On va se quitter tout d'abord avec l'un des événements de ce début d'année, une suite sans être une suite de Rocky, puisque c'est la nouvelle génération. Creed, l'héritage de Rocky Balboa avec Sylvester Stallone, bien sûr. On va écouter la bande-annonce du film et puis ensuite un extrait de la musique signé Ludwig Göransson. Et on se quittera avec une chanson avec He's Moving On, signé Dionne Warwick. Extrait de la bande originale du film The Love Machine qui date de 1971. Je vous souhaite une très belle année de cinéma. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Il est là-dedans. On a dû l'isoler. Il se battait avec les autres détenus. Salut, Denis. Ton père, c'était un grand bonhomme. Je le connais pas. J'ai rien à voir avec lui. Je crois que toi aussi, tu pourrais devenir un grand. Et pourquoi t'as voulu être boxeur ? Mon père était boxeur. Il est mort avant ma naissance. Et j'ai été trimballé de foyer d'accueil en prison pour mineurs. Je me suis battu toute ma vie. J'ai jamais eu le choix. Tu vois ce gars-là, le gars que t'as en face, là ? C'est ton pire adversaire. À qui le tour ? Ça, je pense que c'est vrai sur le ring et que c'est aussi vrai dans la vie. Tu vas me quitter, toi aussi ? Tu sais combien de fois il a fallu que je l'aide, le champion du monde, que je le porte là-haut parce qu'il était hors d'état de marcher. Côte cassée, nez cassé, œil poché, défiguré. De quoi t'as peur ? J'ai peur de prendre la relève et de perdre, de me faire traiter d'imposteur. T'es encore coincé dans son ombre. Chaque fois que je vais bouger, chaque fois que je vais cogner, je serai tout le temps comparé à lui. Tu es le fils d'Apollo Creed. Reprends son nom, c'est le tien. Personne le connaît, il a jamais fait un seul combat. Tu sais rien, tu me connais pas. T'es un faux Creed. Si tu y vas, tu vas affronter un ouragan. Coach, venez m'aider. Rocky est malade. Si ça pète, je répare pas. Tout ce que j'avais est parti. Et moi, je suis là. Vous êtes là en train de chialer, vous avez personne. Et moi, tous les jours, je suis là. Je suis planté là, juste devant vous. C'est un combat comme un autre. Si je me bats, vous aussi. Souviens-toi de tout ce qui t'a fait mal. De toute la douleur que t'as eue en toi. Et tu comprendras ce que nous, on a vécu. Ta place, c'est ici. Tu dois être capable de choper un de ces piafs. Sérieux ? Un peu que je suis sérieux. Les poules, c'est plus que c'était. Thank you. out here staring back at you, at your toughest opponent. Every time you get into the ring, that's who you're going against. I believe that in boxing, and I do believe that in life, okay? Nobody showed me how to do this. I'm ready. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.